c'est une nébuleuse, une constellation. Une évocation satellitaire du dandysme, une poétique de l'élégance. Un, ouverture. Ne pouvant trancher entre la vie et les livres, nous pratiquons une brèche. Beaucoup ont imaginé que le dandysme était l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure. Très certainement c'est cela aussi, mais c'est bien davantage. Le dandysme est toute une manière d'être, entièrement composée de nuances. Une aristocratie intellectuelle, une puissante spiritualité, l'affirmation noble et provocante de l'esprit dans un monde qui tend à l'ignorer, à le bafouer. Une noblesse de la pensée. Deux. Voici. Cécile Parry. Ce fut vers le milieu de 1849 à l'hôtel Quimodan, où nous occupions près de Fernand Boissard un appartement fantastique qui communiquait avec le sien par un escalier dérobé caché dans l'épaisseur du mur et que devait hanter les ombres des belles dames aimées jadis de Lausanne. Charles Baudelaire était encore un talent inédit, se préparant dans l'ombre pour la lumière, avec cette volonté tenace qui, chez lui, doublait l'inspiration. Mais son nom commençait déjà à se répandre parmi les poètes et les artistes avec un certain frémissement d'attente, et la jeune génération venant après la grande génération 1830 semblait beaucoup compter sur lui. Dans le cénacle mystérieux où s'ébauche la réputation de l'avenir, il passait pour le plus fort. Nous avions souvent entendu parler de lui, mais nous ne connaissions aucune de ses œuvres. Son aspect nous frappa. Il avait les cheveux coupés très rares et des pubes noirs. Ses cheveux faisaient des pointes régulières sur le front d'une éclatante blancheur, le coiffait comme une espèce de casque sarrasin. Les yeux, couleur de tabac d'Espagne, avaient un regard spirituel profond et d'une pénétration peut-être un peu trop insistante. Quant à la bouche, meublée de dents très blanches, elle abritait sous une légère et soyeuse moustache en rageant son contour des sinuosités mobiles, voluptueuses et ironiques, comme les lèvres des figures peintes par Léonard de Vinci. Le nez, fin et délicat, un peu arrondi aux narines palpitantes, semblait subodorer de vagues parfums lointains. Une fossette vigoureuse accentuait le menton comme le coup de pouce final du statuaire. Les joues, soigneusement rasées, contrastaient par leur fleur bleuâtre que veloutait la poudre dorée avec les nuances vermeilles des pommettes. Le cou, d'une élégance et d'une blancheur féminine, apparaissait dégagé par tant d'un col de chemise rabattu et d'une étroite cravate en matrace des Indes et à carreaux. Son vêtement consistait en un paletot d'une étoffe noire lustrée et brillante, un pantalon noisette, des bas blancs et des escarpins vernis, le tout méticuleusement propre et correct, avec un cachet voulu de simplicité anglaise et comme l'intention de se séparer du genre artiste, un chapeau de feutre mou, à veste de velours, à vareuse rouge, à barbe poilisse et à crinière échevelée. Rien de trop près ni de trop voyant dans cette tenue rigoureuse. Charles Baudelaire appartenait à ce dandysme sobre qui râpe ses habits avec du papier vert pour leur ôter les clairons dimanchés et tout battre en neuf, si cher au philistin et si désagréable pour le vrai gentleman. Plus tard même, il rasa sa moustache, trouvant que c'était un reste de vieux chic pittoresque qu'il était puéril et bourgeois de conserver. Ainsi, dégagé de tout duvet superflu, sa tête rappelait celle de Laurence Sterne, ressemblance qu'augmentait l'habitude qu'avait Baudelaire d'appuyer en parlant son index contre sa tempe. Ce qui est, comme on le sait, l'attitude du portrait de l'humoriste anglais placé au commencement de ses œuvres. Telle est l'impression physique que nous a laissé Charles Baudelaire à cette première entrevue, le futur auteur des Fleurs du Mal. La deuxième fois que nous rencontrâmes Baudelaire, ce fut bien plus tard, au Festival de Cannes. quand même à, disons, une manière d'être, et donc mettre en cause ce qu'on peut appeler une éthique, alors ce qu'elle vaut, une éthique, une esthétique, etc. C'est donc Baudelaire qui a écrit l'éthique du dandysme. Voilà ce qu'il dit. L'homme riche, oisif, et qui même blasé n'a d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur, l'homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l'obéissance des autres hommes, celui enfin qui n'a pas d'autre profession que l'élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d'une physionomie distincte, tout à fait à part. Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel, très ancienne puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournissent des types éclatants. Très général puisque Chateaubriand l'a trouvé dans les forêts au bord des lacs du Nouveau Monde. Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelle que soit d'ailleurs la fougue et l'indépendance de leur caractère. Ces êtres n'ont pas d'autre état que de cultiver l'idée du beau dans leur personne, de satisfaire leur passion, de sentir et de penser. Si je comprends bien, Barbara le dandy a un idéal. Oui, oui, Cécile le dandy a bien un idéal. Nous passons la vie dans des lieux sublimes, à lire en sirotant l'alcool, les textes décevants sur la nature de l'homme, sur ses désirs futiles, et nous rirons à plein temps. Il le désirait pourtant. ce Dieu lui refusa la grâce d'athée. Wilde tenait en effet qu'il y a deux mondes, celui de tous les jours et celui de l'art. Que le premier se répète fastidieusement, alors que l'œuvre d'art est toujours unique. Il avait donc tourné le dos à la réalité pour ne vivre que dans le rayonnement de ce qu'il croyait être la beauté idéale. Son plus grand effort était de transformer sa vie même en œuvre d'art et de vivre sous la seule loi de l'harmonie et du raffinement. Personne n'est allé aussi loin que lui dans l'exaltation de l'art, et personne pendant tout ce temps ne fut grand artiste. Il méprisait le monde au nom de la beauté et lui-même, à la mesure de l'art véritable, n'était presque rien. Si l'art était sa seule religion, il en était le parisien. Non que Wilde manquait de cœur, il devait le prouver, mais il manquait d'imagination. Et les autres ne lui étaient jamais apparus que comme des spectateurs, non des acteurs ou des patients. Trop occupés à étonner ou à séduire en vrai dandy, ils se condamnaient à n'être jamais séduits, ni étonnés, par aucune sorte de vérité, même celle du bonheur qu'ils faisaient profession de chasser. Donc est-il passé de chercher partout pendant toutes ces années l'éclipse solaire ne m'a pas aidé. L'automne au printemps tombe les beaux sentiments. Le rossignol chantait dans la pluie et dans le vent. La nature mente comtesse de temps en temps. L'éclipse solaire. Fut de me confiner aux arbres de ce qui me semblait le côté ensoleillé du jardin et de fuir l'autre côté à cause de ses ombres et de son obscurité. Mais tout à coup, le soleil s'éteint, les tribunaux qu'il s'est allé à solliciter le condamnent, le monde pour lequel il vivait lui découvre soudainement, abject à force de médiocrité, son vrai visage et se rue à la curée. Du jour au lendemain, le voilà au nom du scandale, scandaleusement persécuté. Sans trop savoir encore ce qui s'est passé, il se réveille dans une cellule, vêtu d'un treillis et traité en esclave. Qui viendrait le sauver ? Si la vie brillante est la seule réalité, alors c'est la réalité sous les habits du monde qui l'a jeté en cellule. Si l'on ne peut vivre que du côté ensoleillé de la forêt, alors Wilde doit mourir dans l'ombre puante où il désespère. Mais l'homme n'est pas fait pour mourir, et c'est pourquoi il est plus grand que l'ennemi. Il sait que ses frères ne sont pas ceux qui vivent au rythme, mais celui-là qui, dans la promenade des condamnés, marche devant lui en marmottant des mots sans suite. Et cet autre aussi qui va lui dicter la balade de la geôle d'Amélie, et dont les pas entravés se mêlent à d'autres pas à l'aube, dans les couloirs de la prison. Et du même coup, il découvre les secrets de l'art. Each Man Kills the Things He Loves est une composition de Per Haven sur le texte de la balade de la jeune Emily de Samuel. Et d'habitude, c'est Ingrid Cabon qui le chante. Je crois que aussi, j'ai un moment, on a fait une version. Mais Ingrid Cabon, c'est la version que je préfère parce qu'elle a vraiment un accent anglais beaucoup plus tôt. À ce niveau-là, je pense qu'on est assez égal. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la la. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la la. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword. With a sword. Yet each man kills the things he loves. Each man kills the things he loves. La la la, la la la la. Each man kills the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la la. Some kill the love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the ends of lust, and some with ends of gold. The kindest is a knife because a death so soon grows cold. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la la. Each man kill the things he loves. Each man kill the things he loves. La la la, la la la la. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some with a sigh. For each man kills the things he loves, but each man doesn't die. Each man kills the things he loves. Each man kills the things he loves. La la la, la la la la. Each man kills the things he loves. Each man kills the things he loves. C'est donc l'amour et l'orgueil qui ont causé la perte d'Oscar Wilde et qui ont fait sa grandeur. Son amour pour Alfred Douglas, fils du mari de Queensberry, face à l'Angleterre victorienne, très moralisante, et qui fit de lui un poète, un héros et un mythe dandy. Après sa libération de prison, il reprendra sa relation avec Alfred Douglas et écrira avec une lucidité épouvantable « Certes, je serai souvent malheureux, mais je l'aime encore. Le simple fait qu'il ait ruiné ma vie me porte à l'aimer. » Et si je parle d'amour à propos du dandisme, c'est que l'amour est l'occupation naturelle des oisifs. Ils possèdent ainsi, à leur gré, et dans une vaste mesure, le temps, l'argent, sans lesquels la fantaisie, réduite à l'état de rêve passagère, ne peut guère se traduire en action. Il est malheureusement bien vrai que, sans le loisir et l'argent, l'amour ne peut être qu'une orgie de roturier, ou l'accomplissement d'un devoir conjugal. Au lieu du caprice brûlant au rêveur, il devient une répugnante utilité. Vous n'êtes pas d'accord? Si, vous êtes d'accord. Non, on peut continuer. Mais en fait, le dandy ne vise pas à l'amour comme but spécial. L'amour, impertinent, léger, sans but, justement, c'est le thème du donjon de Lord Byron que vous connaissez tous. J'en suis sûre. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Non? Quelque chose. Oui? C'est pas grave, parce qu'on va en parler justement. Il suffit de connaître un petit peu la vie de Byron pour retrouver dans ce poème, car c'est un poème, tous les personnages, toutes les passions et tous les amants de Byron, y compris sa très ennuyeuse épouse. C'est Giuseppe Tomasi di Lampedusa qui m'a fait découvrir Byron dans une conférence désinvolte et brillante, qui a été éditée et qui à l'époque était suivie par des jeunes italiens. Et je soupçonne d'ailleurs Lampedusa d'avoir été lui-même un dandy, d'abord parce qu'il était duc de Palme, prince de Lampedusa, très riche, très intéressé par Lord Byron, et aussi à cause d'une de ses nouvelles, Le professeur et la sirène, dans laquelle il décrit une forme d'amour, comme c'est une forme d'amour dandy. Donc c'est l'histoire d'un professeur, d'un vieux sénateur qui raconte à un journaliste que lorsqu'il faisait ses études, il préparait un concours pour une chaire de littérature grecque, il rencontre une sirène au bord de la mer et très amoureux. Et voilà ce qu'il nous dit. Elle parla, je fus envoûté. Après le charme du sourire et du bouquet, par un nouveau et majeur sortilège, celui de la voix. C'était une voix un peu gutturale et voilée, où vibraient d'innombrables harmoniques. On perceva en elle, au clair des paroles, les ressacs paresseux de la mer en été, les derniers chuchotis d'écume sur la plage, le passage du vent sur le reflet de la lune. Le chant des sirènes n'existe pas. La musique dont nul maréchal n'est autre que celle de leur voix. Elle parlait grec, et j'avais bien du mal à la comprendre. Je t'entendais parler seule, dans une langue proche de la mienne. Tu me plais, prends-moi, je m'appelle Ikea, je suis fille de Calliope. Ne crois pas aux fables qu'on raconte sur nous. Nous ne tuons personne, nous ne faisons qu'aimer. Je me bornerais à dire qu'au cours de ces étreintes, je jouissais à la fois des plus hautes formes de volupté spirituelle et de ce plaisir élémentaire, privé de toute résonance sociale, que nos bergers solitaires, perdus dans les montagnes, éprouvent lorsqu'ils subissent à leur chaîne. Pendant ces journées, j'ai aimé autant, sinon plus que 100 de vos donjons ensemble, durant toute leur vie. Et quels amours! À l'abri des couvents et des crimes, de la rancune, de la trivialité, loin des prétentions du cœur, des faux soupirs, des fictives et des sens qui salissent inévitablement vos misérables baisers. Mais revenons aux Allemands, d'ailleurs, Bellman, puisque c'est peut-être ça dont on parlait, qui ne sont pas moins extraordinaires que celles du professeur avec la sirène. Bellman a beaucoup voyagé, dans toute l'Europe, notamment parce qu'il s'est fait chasser d'Angleterre. Et lors de son exil, il a rencontré le poète Shelley, avec qui il devint très ami et qui l'a suivi quelque temps en Italie. Quand Shelley est perdu tragiquement dans une tempête au large de la Spezia, Bellman part s'installer à Venise et il commence à faire de la politique. Il finit par prendre les armes pour l'indépendance de la Grèce, mais la malaria l'emporte devant Missolonghi assiégé, où il allait attendre la victoire. Une fin tout à fait digne du grand poète romantique qu'il était. Un ami qui l'avait suivi en Grèce apporta dans ses bagages un précieux chargement, le Don Juan, inachevé, les mémoires autographes du poète et une grande malle. Le Don Juan fut publié. On ouvrit la malle, elle contenait plus de 300 miniatures. Byron, très méticuleux, faisait peindre le portrait de tous ses amis, tous les gens qu'il avait aimés, et de toutes les femmes aussi qu'il avait aimées, bien sûr. Et chaque miniature était enfermée dans un étui de maroquin, vert pour les amis, bleu pour les amis, vert pour la famille et rouge pour les maîtresses. L'étui de sa demi-sœur, Augusta, était vert mais doublé de rouge. Ses mémoires furent malheureusement brûlées. Et depuis, son fantôme erre sur les côtes grecques. Le fantôme de la Bayreuth. noce et en voyant le couvre-pied de soie rouge, éclairé par les flammes de la cheminée, il s'était cru en enfer. 15 mois plus tard, Byron devait quitter l'Angleterre et sa femme à la suite d'un scandale sans précédent. Que s'était-il passé? Il n'est pas facile de le dire avec décence. En deux mots, un mois après son mariage, Byron avait revu Augusta, sa belle-sœur, et était devenu son amant. Et il avait eu un enfant, une fille, Medora. Lady Byron l'a pris et parla. Elle eut cependant le bon goût de ne pas dire la vérité et se plaignit d'autres infidélités. Le fond puritain anglais se réveilla. Byron, écrasé sous le poids de l'indignation générale, écrivit ses deux plus belles poésies, l'une à sa femme, l'autre à Augusta, et puis il s'en alla pour toujours. En mai 1816, Byron quitta l'Angleterre définitivement. Les derniers jours avaient été pénibles. Va-t'en, Elugabal, dehors, Néron. Son ex-maîtresse, Lady Jersey, ayant eu l'imprudence de l'inviter à un bal, eut la surprise de voir quasiment tous ses hôtes s'en aller quand Byron entra au salon. Va-t'en, Elugabal. Elugabal, de sa retraite débauchée, arrêterait de parler latin et mettrait les disques de son disciple. Octave Rimbaud, nain, qui traîne dans l'air le vestiaire, à la recherche de plaisirs furtifs et d'horizons lointains, avec ses platines en plastique, espérant que l'oscillateur un jour lèverait à déborder par le côté inconnu. Au XXe siècle, Où sont les dandys? Qui sont les dandys? Animaux médiatiques? Chanteur Al, couturier foulard, philosophe punk, jeune homme chic, écrivain méconnu, poseur tendance. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Punk et chien? Non, pas du tout, je dis, ce sont des parasites brillants, ils font très bien au bout d'un dîner, mais je ne vois pas en quoi ils servent la société, si ce n'est les fabricants de vêtements. Notre époque est-elle en déclin? Je vous pose la question. Oui. Alors, dans ce cas, quelle serait la nouvelle forme d'aristocratie de l'âme? Ce point d'intersection de Pascal chez ces êtres qui s'inventent œuvres d'art. Revenons en 66. À l'époque, les Kings, le groupe britannique fondé à Londres en 63 par les frères Lewis, se pose la question dans deux chansons phares, Vindicated Flower of Fashion et Dandy. Bien évidemment, ne peut pas être dandy. Jusqu'où on peut aller pour loin. Et 10 ans plus tard, c'est le français Alain Pacadis, chroniqueur pour Journal de Libération, qui nous dit dans sa réponse « Le dandy sera punk ou ne sera pas ?» Pacadis, donc, figure culte des nuits parisiennes et londoniennes, rassemble dans un livre, dans son livre, un jeune homme chic, ses expériences nocturnes, ses rencontres avec les grands dandys de l'époque, David Bowie, Serge Gainsbourg, plus quelques aventures avec son ami Yves Adrien, écrivain du manifeste dandy futuriste des années 80, Nova Vision, ses aventures avec les dandy punk du moment, et bien sûr, Andy Warhol. Show, see them and then we'll be gone. Univers 73, une saison pour l'ennui. Plus personne ne parle du punk dans ce Paris qui a succombé à la mode rétro. Des nuits entières à écouter Berlin de Laurie et à imaginer des images sur ces mots noirs. Un visage doux, aussi doux et les larmes de Caroline plus vacillantes que la flamme tremblante d'une chandelle, plus métallique que le tranchant d'un rasoir. Assister à tous ces concerts de pop musique pour tuer le temps qui ne veut pas mourir. Est-ce que l'amour existe encore ou est-ce qu'un rêve? Tristesse, des mots, langueur, un regard, qui se cherchent sans jamais se trouver. Et les jours d'errance se succèdent. La nuit sans sommeil, baignée dans la nostalgie des années 30, cet âge d'or où il fait bon rêver au creux des beaux hameaux auprès d'une blonde platine. À l'heure du thé, au ors, vêtu de flanelle blanche, les rubis comme des perles de sang éjaculées d'une sommeil, sur la rivière nacrée de talons pourpres et de promenades en fiacre, tout était voué au sublime, aux sophistications, le goût de la parure, transforme certains êtres décadents en personnages scéniques, en intouchables, cela en hommage au ciel, à la terre, à la rue. Été 74. Repartir pour l'Orient sur les traces de Pierre Loti et de Lord Byron. Délire électrique, le soleil brûle le désert, la fumée jetée en vol opaque devant mes yeux. Le temps a pris une cigarette, suce un doigt, puis l'autre, et puis un demi-mandrax dans le bazar d'Istanbul, avant d'aller retrouver Jean-Claude à la mosquée bleue, coucher de soleil dans le désert, espace illimité. Une voiture américaine conduite par un cheikh du Koweït, avec stéréo et frigidaire incorporé débordant de lumière. Mon blouson est plus noir que la nuit couverte d'étoiles métalliques. Je me souviens. Une lumière blanche de plus en plus intense, et puis un flash. Le train filassant à l'heure à travers la campagne. Dans la ville endormie, de beaux metal kids croisent des dealers vislards, des travelots pakistanais et des junkies du monde entier. Istanbul dort, ma chatte s'éveille. Une belle pièce jaune s'arrête devant l'hôtel et dans ma tête toujours cette même musique, le rombissement des guitares, les riffs saccadés et les amplis sursaturés jusqu'à ce que ma tête explose. L'ange aux cheveux blonds s'enfonce dans les limbes, dans une quête vertigineuse du mal. Le dandy des années 70-80 est donc, Pacadis, un other underground voué à la destruction. Et c'est exactement ce que nous raconte T-Rex, Marc Bolan, dans Dandy in the Underworld. Born of night, born with still rains. Avec leur prendre, Ceux d'entre nous qui se permettent d'écrire des livres semblent appartenir à deux catégories, ceux qui se retranchent et ceux qui bougent. Il y a des auteurs qui ne peuvent écrire qu'à la maison, avec leurs chaises, leurs étagères de dictionnaires et d'encyclopédies, et peut-être aujourd'hui leur ordinateur. Et il y a ceux qui, comme moi, sont paralysés par le fait de demeurer chez eux, pour qui le domicile est synonyme du proverbial blocage de l'écrivain, et qui croient naïvement que tout irait bien mieux s'ils étaient ailleurs. Même parmi les plus grands, on constate cette même dichotomie. Flaubert et Tolstoï travaillaient dans leur bibliothèque, Zola avec une armure à côté de son bureau, Poe dans son cottage, Proust dans sa chambre tapissée de liège. Et parmi les nomades, on trouve Melville qui se sentait défait par sa situation de bourgeois de Massachusetts, Hemingway, Gogol ou Dostoïevski, dont les vies, que ce fut par choix ou par nécessité, furent une ronde éperdue d'hôtels et de meublés, avec, dans le cas du dernier, un séjour dans un bagne citernier. Quant à moi, en toute modestie, j'ai tenté d'écrire dans des endroits aussi divers qu'une case africaine, avec une serviette humide au-dessus de la tête, un monastère du Mont Athos, une colonie d'écrivains, une chaumière sur la lande, et même une tente. À chaque fois que que les tempêtes de sable arrivent, que la saison des pluies s'installe ou qu'un marteau piqueur vient anéantir tout espoir de concentration. Je me maudis et je me demande, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ne suis-je pas dans la tour? Il y en est fait deux tours dans ma vie. Les deux sont médiévales. Les deux ont d'épaisses murailles qui les gardent chaudes en hiver et fraîches en été. Les deux donnent sur des paysages de montagne, insérés dans de minuscules fenêtres qui vous évitent toute distraction. L'une se trouve à la frontière de la frontière galloise sur les loups de la rivière Tusk, et l'autre est la tour de signalisation de Matrice Cornet-Zorin, construite à l'époque des guelfes et des gibelins sur une colline couverte de chênes et de châtaigniers, à environ 25 km à l'est de Florence, en Italie toujours. Dans ma veste de soie rose, je déambule le mot. Le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi un paradis perdu. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de l'ombre, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué, toutes les nuits tu étais là. Mais peut-être sur la main de Chatwin dans une tour en Toscane. Et puis, j'ai invoqué pour vous les esprits d'antis, et j'ai fait chanter de vrais faux d'antis, bien vivants, et prêts à tout pour survivre à la société de consommation. Et puis, j'ai rêvé d'antis comme d'autres ont rêvé New York. Je voudrais que jamais ils ne déchoient ces antis-là. J'ignore pas la fin tragique de certains d'entre eux, de cette mort, je ne retiens que l'essentiel. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la déchéance qui fait la supériorité. J'ai compris une chose et une seule. Être dandy, c'est d'avoir l'ultime élégance, l'ultime négligence d'être simplement soi-même. Avec une bonne dose d'esprit, d'humour et de distance. Une vraie lucidité, vous connaissez cela. Soyons le une heure, un jour, un mois, soyons dandy pour moi. Ayons ce courage. Être simplement nous-mêmes, lucide et élégant, plein d'esprit et de rébellion, proclamant l'agonie active de la douleur, organisons notre temps à le perdre, vraiment, sans jamais laisser les autres indifférents. Désinvolte, désabusé, dérisoire et décadent, souriant à la grâce incandescente de la vie. Trouvons l'éclat dans l'orgueil éperdu des losers magnifiques que nous sommes tous. Lucide et grand, sombrant à jamais, molécule après molécule, dans la déchéance et l'absurdité. Maintenant je sais, le dandisme n'existe pas. Seuls les dandis, indomptables inventeurs, existent. Thank you. Thank you. C'est meilleur de chanter sans les mythes. Ah. Je reste là, je te vois faire.